Le 7-9 sur France Inter. François Morel, c'est à vous. Aujourd'hui, au 7-10, une dynastie, c'est la première fois. On n'a jamais reçu les Capétiens, les Carolingiens, les Romanov, même pas les Grimaldi, mais on reçoit les Chédides. On aurait pu essayer de recevoir les Le Pen, mais l'ambiance n'aurait pas été la même. Les Le Pen sont des grands défenseurs de la famille, mais plus dans leur imaginaire que dans la réalité. Remarquez que chez les Chédides, tout n'est pas rose non plus. Aujourd'hui, c'est un scoop. Je vais vous présenter celui qui a toujours été mis au banc des Chédides, sous prétexte qu'il chantait faux, qu'il avait un physique difficile et les cheveux gras. Aujourd'hui, en exclusivité sur France Inter, le chédide oublié, le chédide mis de côté, le chédide dédaigné. C'est le vilain petit canard, le chédide dont on ne parle jamais, le chédide que l'on cache. Ce matin, il a accepté d'être avec nous. Il lui a fallu du courage pour se présenter face à son père, face à sa fratrie, face à sa famille. Aujourd'hui, en exclusivité, le vilain petit chédide, Quentin Chédide. Bonjour, Quentin. Bonjour, monsieur. Ça a été difficile de venir ici ? Ben oui, parce que j'habite pas là. Enfin, en métro, il y a trois changements. Oui, c'est compliqué. Enfin, ouais. Et en plus, j'ai cru que j'avais oublié mon passe Navigo. Alors, j'étais presque arrivé au métro. Je suis retourné chez moi. J'ai cercé partout. Et en fait, il était dans ma poche intérieure. D'accord. Quentin, qu'est-ce que vous ressentez ce matin ? Ah, ben ça va. J'ai pris un bon petit déjeuner. Moi, alors, quand je prends un bon café au lait avec trois tartines, beurrées, je suis en forme pour toute la journée. Non, c'est bien. Non, ce que je voulais dire, Quentin, qu'est-ce que vous ressentez ce matin quand vous vous retrouvez face à votre famille qui surfe sur le succès, qui sort un disque dans lequel vous ne figurez pas, qui va jouer son spectacle un peu partout en France sans vous. En un mot, qu'est-ce qui se passe quand un chédide rencontre les autres chédides ? Ah oui, dans ce sens-là, oui. C'est vrai que je suis pas mal dégoûté. Vu que j'ai été à l'origine de pas mal de succès des membres de ma famille. Par exemple, j'avais écrit une chanson que j'avais inventée. C'est beau, pas être beau, oh là là, je suis rigolo. J'avais ajouté aussi, je fais du vélo. Et c'est en m'entendant que mon père a écrit sa chanson. J'ai jamais reçu droit d'auteur. Et puis quand j'ai eu l'intention de me produire sur scène, j'avais déjà trouvé mon nom de scène. Q. Comme Quentin. Et Mathieu m'a coupé l'herbe sous le pied quand il s'est fait appeler M. Cette déception, comment l'avez-vous vécu, Q? Ben, disons qu'à un moment, j'étais vraiment découragé. Surtout que j'avais une bonne idée de publicitaire, c'était de me faire une coupe en forme de cul. Comment ça? La lettre, hein, cul. D'accord. Oui. Et puis là, j'ai dû prendre des produits néfastes, des ailes, des lacs qui ont occasionner la chute de mes cheveux, des affections cutanées, tel un début de psoriasis. Là, on voit un petit peu, là, tout est parti. Donc, quand vous avez commencé à perdre vos cheveux, vous êtes posé la question d'arrêter la chanson ? Ah ben, évidemment, j'avais plus le physique. Évidemment, vous êtes quand même venu ce matin avec votre guitare. Vous n'êtes jamais vaincu, cul. La guitare est mon prolongement. Et puis je me suis douté que Louis, Mathieu, Joseph et Anna, dans un souci de conciliation, allaient certainement me demander d'assurer leur première partie. Ah ouais. C'est un peu votre plan, cul. Un peu, oui. On vous écoute. J'ai préparé quelque chose. Bon, c'est très simple. Voilà. Le petit cheval dans le mauvais temps. Là, c'est une reprise. Il avait donc du courage. Voilà. C'était un petit cheval blanc. Cheval blanc. Je pense que. Merci Q. Je pense. C'était un petit cheval blanc. Tous derrière et lui. Je pense que votre famille est convaincue. Retrouvez bientôt toute la famille Chédide au grand complet près de chez vous. Voilà. Finalement, on a bien fait peut-être de parler. François Morel avec Olivier Broche à la guitare. Excellent. Et le bonnet sur la tête. Bravo. Merci à vous. C'est moi. C'est nous.